C'est pour son trace, au crâne, mon patrimoine. Les frères marqués par la prière sur le front. Récite des sourates, du courage, comme un bulcade au Bervelier, quatre chemins. Destin traditionnel, on compte tous marqués dans le temps additionnel. Super motard, soleil, les genoux et les coudes écorchés. La cervelle en état d'alerte. Et cette phrase qui revient souvent, mec, je suis en galère. 3 heures de sommeil maxi, on se dit même plus à demain, on se dit à tout à l'heure, nique ta mère. Pourquoi, devine, on reste contre nous. L'après-midi à se baiser le pouce, en 44, à tir de mille. Les trous de poulettes sur siège de la gourve, les 30 et libres. Je roule un ouin, dans des méthodes radicales, une galette, un fixe ou deux lignes. Du bas de la colline, j'encule la commune. Serviteur du bien, du mal, parfois, pour le patrimoine, mec. 9-3, 9-4, 3-9-4, reste en dingue. Aïe, pas là. Aïe. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. On s'attend de choses mauvaises, la rue m'a fait aucune promesse. M'a juste offert une paire de coronesses. Véitaire Y dans l'âme, imprégné en toutes lettres. Être ou ne pas être, crever sans être ou crever sans être. Des règlements de compte, pour rien ça se teste. Aujourd'hui, on est en deuil, on a perdu un mec de la tête. Toujours les bons qui parlent, les keufs t'assaisonnent. Gamin, je faisais plus de conneries que Bart Simpson. C'est pour Vitry au vert, tous les départements on opère. Les chroniques du Hall 13, au journal de 20h. On sait qu'il y en a qui se lèvent à l'aube pour aller au casse-pile. Des pères et mères de famille qui se cassent le dos pour le SMIC. Certains sont foutus, quelques arguments le rappelaient fouteux. Les coutumes, les coups durs, les coupures d'électricité et d'eau. Toi t'es doux, moi j'suis du 9-4, hein, patrimoine du ghetto. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. En retard à leur enterrement, mais sur les gros casse, toujours à l'heure. C'est une question d'honneur, en colère. Nique les commères, les donneuses pour les crevards qui canalisent trop de nerfs. Patrimoine du ghetto. C'est une question d'honneur. 113 94 93. Oui.